La saison du printemps, d'Isaure Portier. Les vents ont dissipé désormais leur frimas. Dans les champs d'alentour repousse la verdure. La blanche pâquerette y sème sa parure. Et dans nos gais jardins fleurissent les lilas. Le doux soleil d'avril, levé sur nos climats, féconde les sillons, embellit la nature. Le petit passereau, caché sous la ramure, de son chant gracieux me jette des éclats. L'amour donne la vie à ces beaux paysages. Pour construire leur nid, les hôtes des bocages vont chercher dans les prés la laine des troupeaux. Du retour du printemps, je me sens si joyeuse qu'à ma voix vient monter une note amoureuse dont l'accord est soudain redit par les échos. Fin du poème, enregistré par Christiane Johan. Illustration musicale Magic Garden de Pascal Krieg, édité par Musique Libre-CC, tout droit réservé.